Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Nous allons donc continuer à téléphoner maintenant là, hein. Ça décuve tout doucement là, non? Pas complètement. Alors, oui. Faut vraiment que je trouve une solution. Bon, on a déjà appelé d'autres pharmacies tout à l'heure, on a été à Bruxelles, on a été à Liège. Mais oui, mais ils doivent bien avoir une solution pour que ça s'arrête de faire des travaux dans ma tête. Oui, parce que ce matin, donc, Toff appelle des pharmacies, donc en espérant avoir une solution miracle pour décuver. Mais bon, à Liège, on nous a dit que c'était pas possible, mais bon, on sait jamais. Je ne suis pas saoul. Je vois un peu trouble. Oui, bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle Toff, on va dans quelle ville là maintenant? Nous allons à Carnion. À Carnion, d'accord. Allez, c'est parti. Puis il y aura les infos aussi de Julie juste après à 9h. Pile. C'est ça. Ou avec un peu d'avance, je me tâte. Ouais, bah là ça risque de pas décrocher aussi, hein, vu comment c'est parti. Mais c'est possible, ça ne décroche pas. Ou alors il y a trop de travail à la pharmacie. Ah lui, la pharmacie à Carnion là, il se passe quoi? Bon, t'as notre numéro au cas où t'as? Oui. Ah. J'ai peut-être mal tapé le numéro. Bah, c'est possible aussi que t'aies mal tapé le numéro, effectivement. Parce que là, ça me fait penser un peu aux deux premiers appels de ce matin pour la déclaration, pas du tout, pour le Mickaël paye tes factures. Hein. Ah ouais, bon là, c'est un échec total, Toff. Bon, rappelle un autre. C'est un autre là? Oui, c'est un autre. Ah, c'est un autre, très bien. Normalement. Allô, bonjour, pharmacie Pierrot. Allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle parce que je crois que ce week-end, j'ai un peu bu. Mm-hmm. Un petit peu, pas beaucoup. Mm-hmm. Et là, il faut que j'aille au travail. Mm-hmm. Et je ne sais pas comment faire parce que si j'arrive comme ça, mon patron, c'est pas possible. Ah bah, écoutez, je ne sais rien faire. Manger des pommes. Manger des pommes? Oui. Ah bon? Oui, ça permet de mieux digérer l'alcool. Ah, d'accord. Bah, je vais aller acheter ces pommes alors. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, malheureusement. Bah, très bien. Bah, écoutez, je prends ma voiture et je vais acheter des pommes. Bon, oui, bah, essayez d'aller à pied peut-être, non? Ah, bah oui, mais c'est loin. Oui, d'accord, mais bon. En fait, j'ai pensé à vous et aux autres. Ah oui, mais peut-être que justement, je pourrais penser à vous si vous veniez. Non, ça ne m'intéresse pas. Je travaille là. Ah bon? C'est quoi votre petit nom? Ça ne vous intéresse pas. Ah si, ça m'intéresse beaucoup. Non, vous avez l'air très charmante. Je suis sûre que vous avez une petite blouse blanche qui doit vous aller très très bien. Oui, ok. Bon, ben, je vais vous laisser, je vais travailler là. Ah ben déjà à la pharmacie. Ben attendez, parce que s'il faut que je perde un peu d'alcool en mangeant des pommes, on peut rester un peu au téléphone. Non, j'ai pas le temps, je dois travailler. J'ai d'autres personnes qui ont besoin de mes conseils. Ah bon? Et mes dos? Ben, voilà, écoutez, oui, allez, je vous laisse. Au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Oui. Elle était trop ouverte à la drague, hein. Non, mais je vais manger des pommes. Oui, bah je savais pas qu'il y a des pommes. Là par contre on a appris quelque chose ce matin. On se couchera moins qu'on se soit. Ah ouais, c'est sûr. Donc quand vous êtes bourré, prenez une pomme et apparemment, bon bah, ça va pas passer directement, mais en tout cas ça aide apparemment. Moi j'en connais la radio qui vont mettre des caisses de pommes dans leur voiture. Monsieur Moon? Je ne citerai pas de nom. Très bien. Je tiens à préserver leur anonymat. D'accord, ok. Bon, bah, ce sont des gens avec qui je travaille. D'accord, mais c'est bien, c'est bien. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Bon, nous avons Jason avec nous maintenant pour la petite déclaration. Ah bon? Pas du tout, Jason a eu peur, Jason s'est débiné. Oh bah tant pis Jason pour lui. Jason fait peut-être dodo. Bah c'est pas grave, on va appeler sa copine directement. On devait appeler sa copine qui s'appelle comment du coup? Qui s'appelle Noémie. Noémie, on va appeler Noémie alors pour lui faire cette petite déclaration express de Jason. Et c'est pourquoi? Parce qu'il voulait conclure en fait... ou il... En fait, c'est une fille qui est dans sa classe, en fait, tu vois, et elle sort avec un autre mec de sa classe. Ah bah, c'était pour lui demander de changer d'avis. Et d'accord. Lui, quoi. Non, bah, tant pis, on va le faire en live. Hein. Allô Noémie, bonjour, c'est Mickaël, t'étais en direct sur Fun Radio, on t'appelait de la part de Jason, et bon, bah voilà, il voulait te dire quelque chose en particulier. Écoute bien, c'est que pour toi, Noémie. Oui, l'homme est un peu malade également, hein, donc. Ça va être bon. Pardonnez-le pour des petits problèmes. Je suis dans la tête, hein. t'es le prétendant ma classe. T'étais à côté d'Ilias, celui qui a tout le temps la chiasse et qui tire jamais la chasse. J'ai voulu prendre sa place. Direct tu m'as dit tu te casses parce que j'avais pas sa classe. T'aimes les mecs qui laissent des traces. Ça m'a vraiment fait chier. Alors moi pour me venger, quand tu étais retourné dans tes cheveux j'ai craché. Du coup quand il s'est pointé, il a dû te les essuyer. Parce que ce qu'on est à tes pieds, tout ça parce qu'il peut te toucher. Pourquoi tu ne veux pas ma banane? Oh baby, en plus tu sais qu'elle est pas mal. S'il te plaît écoute-moi baby, viens tu pourras la manger. Dans le bus ou en récré, s'il te plaît prends la bébé. Tu kifferas ma banane. Voilà Noémie, petite déclaration express de ce matin. Bah, j'espère que ça t'aura plu. Puis bah, n'hésitez pas, Jason ou Noémie, à nous tenir au courant. Un petit mail fait toujours plaisir. Comme ça, on suit un on peu le suit truc. On suit l'affaire de près. Et si voilà, quelqu'un peut m'envoyer des strepsils, c'est lob@funradio.fr. Strepsils. L-O-E-B, bien sûr. Bon, bah, gros bisous à tous les deux. Alors, si vous êtes derrière la radio, on sait jamais. Voilà, comme ça, c'est plié. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Exactement, et tous les matins ça se passe comme ça, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. La ligne anti-relou sur Fun Radio, le numéro qu'il faut connaître par cœur, surtout les filles, 0-473-86-00-13. Et il faut que ce numéro soit connu dans toute la Belgique. C'est aussi simple que ça. Du coup, vous le donnez à un relou les filles, hein, qui vous prend la tête en soirée par exemple. Et puis bah du coup lui il sera content, il ne va plus vous prendre la tête car il aura votre numéro de téléphone, du moins il pensera que c'est votre numéro de téléphone. Sauf qu'en vrai, bah c'est le nôtre. Et donc du coup, bah tous les messages qui laisse, bah on les écoute et on vous les diffuse, comme ça tout le monde peut en profiter. Et à 7h48, on écoute le premier. Ouais, tout, c'est encore Fabrice. Ben là, j'attends toujours tes nouvelles, je comprends pas ce qui se passe. Là, je suis au café, je t'attends, toujours rien. Ben tant pis, je continue à boire tout seul. Je suppose que tu veux plus de moi. Ben voilà. Ben tant pis, c'est Fabrice. Allez, ciao. Allez, ciao. Et voilà. Bah, ce qui est bien, c'est que bah, tant pis, je vais continuer à boire tout seul. Ah voilà. Ouais, bah écoute. Je vais boire pour oublier. Il va voir exactement, bah, il va ouais, noyer son chagrin. C'est ça. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Coucou, c'est Manu. Bon, je t'appelle pour voir si ça allait. Bon, écoute, essaie de me contacter. Ouais. Et ben voilà, hein. Essaie de me recontacter. Salut, c'est Manu. Pourtant, ça avait l'air d'être plutôt. Il avait pas l'air. Sympathique, cordial, gentil. Non, mais il avait pas l'air chiant dans la prison. Mais écoute, le truc, c'est que le relou, parfois. Tu vois, il laisse des messages, on se dit oh le pauvre et tout ça, je me le dis moi-même. En ouais, fait, voilà, quand je me rappelle pas les relous. Faut savoir que parfois, elle appelle des relous aux antennes après pour dire oh, bon, écoute, je suis vraiment désolé. Pas, attends, je vais ça, te laisser c'est dans mon rêve, les gars. Ça, c'est dans mon rêve. Allez, troisième message maintenant laissé sur les lignes anti-relou. Écoutez bien, dans le. Oh, c'est le caviar, je pense, de celui-là, hein, le Détroit. Ah oui, non, c'est le meilleur. Bah, écoutez bien. Bah alors, voilà. Oui, Julie, c'est Mickaël. Ce téléphone que tu as mis sur mes tics, comme on parle souvent. Je voulais que je mette ma menstruation, donc je l'ai mesurée tantôt, en érection, bien sûr. Ah, elle fait 22 cm sur 60, sur 6 cm de diamètre. Alors, elle est peut-être pas trop grande, peut-être pas trop grosse, mais c'est tout ce que j'ai. J'espère qu'elle ne se fait pas plaisir. Mais après, si on se voit une fois, quoi. Allez, bisous, hein. Salut. J'aime bien le. Il faudrait qu'on se voie une fois. Ah non, non, il faudrait aussi que tu prennes ton bécherel et que tu apprennes à parler. Mais oui, c'est ça, il faudrait qu'on se voie. Le problème, c'est qu'il a appris avec les ch'tis à Ibiza, donc ah bah ouais, alors forcément, ça aide pas. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier, t'as dit à Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Hey, Mickaël, c'est John McClane. Bon, j'ai appris que c'est toi qui as la dure mission de réveiller la Belgique. C'est bien ça, mon gars. Alors je te préviens, papa, que si t'es pas là tous les matins à 6h, c'est moi qui viens personnellement te botter le cul pour te sortir du cul à coups de latte dans le fion. Et crois-moi sur parole que tu vas le sentir passer. Je fais du 46, coco. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Allez, youpi kai, pauvre con. Bon, allez, c'est parti maintenant. Je vous en ai parlé la semaine dernière de cette grande émission qui va bientôt arriver sur Plug RTL, les ch'tis à Ibiza. Oui, qu'on pourrait également appeler Bienvenue chez les Gogols. C'est vrai aussi, ouais. Et donc, on a encore la preuve ce matin. Hein. Aujourd'hui, on va apprendre à parler le français avec les ch'tis à Ibiza. Et vous allez voir que c'est de la haute très haute voltige. Écoutez. On devait passer un par un pour montrer de quoi, qu'est-ce qu'on savait faire. Quel style on avait à peu près. De quoi qu'est-ce qu'on savait faire. Je vous le remets, c'est pour on moi. On devait passer un par un pour montrer de quoi, qu'est-ce qu'on savait faire. Quel style on avait à peu près. Voilà, c'est ça. Sympa quand même, il est pas. Donc il est là aussi lui, hein. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on savait faire ? Ah, le qu'est-ce qu'on savait faire était quand même pas mal. Bon, alors j'espère que vous avez donc bien suivi, hein, que vous allez bien suivre, pardon, puisque maintenant, écoutez bien, c'est encore de la haute voltige avec quelqu'un qui a du mal à conjuguer le verbe suivre. Je pense qu'elle peut être fière qu'il y a un homme qui danse quand même comme allez, les femmes qui doivent danser, que j'ai suivi quand même le coup. Attends, j'ai rien compris. Alors, je remets. Je pense qu'elle peut être fière qu'il y a un homme qui danse quand même comme allez, les femmes qui doivent danser, que j'ai suivi quand même le cours. Ok, ah, il a suivi le cours, je crois que c'est ça qu'il explique. Ok, d'accord. Ouais, elle est... Voilà, voilà. Donc, donc j'espère que vous avez bien suivi justement, parce que de toute façon c'est pas fini. Écoutez bien, j'ai une dernière leçon pour ce matin. Alors écoutez, attention, là aussi c'est du haut niveau. Allez, y a pas ma place ici. J'étais déçu que je pouvais pas me donner. Qu'est-ce que j'ai dans moi comme je donnerais dans une boîte. Ouais. Une chose est sûre, ce n'est pas le français qu'il a dans lui. C'est clair, ouais. Ça, c'est sûr. Je vous le remets, celui-là. Allez, y a pas ma place ici. J'étais déçu que je pouvais pas me donner. Qu'est-ce que j'ai dans moi comme je donnerais dans une boîte. Voilà, donc je vous avais dit, c'était de la haute voltige. Ça va arriver bientôt sur Plug RTL. Donc les ch'tis à Ibiza. Et ils auraient mieux fait de faire les ch'tis en France, dans un cours de français à l'école. Hein, parce que... Les ch'tis à l'école, ça serait pas mal, je pense. Ah non, mais là, c'est quand même très violent, quand même. Ah non, mais on comprend même plus ce qu'ils disent. C'est ça, le problème. Ah, mais c'est très très dur. Très une faute de français, bon, ça arrive à tout le monde, mais alors là on comprend plus, les phrases elles ressemblent plus à rien. Ah, les cours que je suivais. N'importe quoi. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut.